chance de... Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 29 mai et vous écoutez Un autre jour est possible, le réveil culturel de France Culture. Dans un instant, Nicole Bacharan pour le dernier épisode de notre série consacrée à Malcolm X. Malcolm X, au nom d'Allah, de l'Amérique et des droits civiques. Et en deuxième partie, comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée, mais on reste dans la thématique des Noirs d'Amérique et de leur combat pour les droits civiques, en recevant Arnaud Flock qui publie chez Serbacane « La vie très courte d'Emmett Till ». Mais tout de suite, notre tête chercheuse, Nicole Bacharan. Salam alaikum. Brothers and sisters. Malcolm X. We wake up, we clean up. And we stand up. And once we can stand up like a man on our own feet, we stop begging the white man. And we stop apologizing to the white man. We stop compromising with the white man. Malcolm X. Malcolm X, au nom d'Allah, de l'Amérique et des droits civiques. Une série avec la politologue Nicole Bacharan, spécialiste de l'Amérique. Et aujourd'hui, dernier épisode. 50 ans après, les héritages de Malcolm X, Nicole Bacharan va revenir à cette date fatidique, le 21 février 1965, en plein meeting. Malcolm X est assassiné, on sait par qui il est assassiné, non, pas très précisément. On prétend le savoir, il y a trois personnes qui ont été arrêtées, un qui a avoué, les deux autres qui ont maintenu pendant des années qu'il n'y était pour rien et qui ont été libérés dans les années 80, celui qui a dit avoir participé a été libéré finalement en 2010, donc de façon relativement récente, mais qui était vraiment derrière cet assassinat? Pourquoi? Ça, vraiment, on ne l'a jamais su. Comment l'Amérique va réagir? Et à commencer par Martin Luther King, toujours vivant à l'époque. Oui, puisque Martin Luther King sera assassiné en 1968. Dans cette période des années 63, 4, 5, 6, 7, c'est la période de la guerre du Vietnam. Donc c'est une période très violente. Beaucoup de jeunes Américains meurent au Vietnam. Beaucoup de jeunes Américains ne veulent pas aller au Vietnam. Et c'est également la période des grandes émeutes urbaines dans les ghettos noirs, parce que ce sont vraiment des ghettos. Et ce sont des émeutes, je pense à Chicago, à Cleveland, à Détroit, à Los Angeles, à Newark, près de New York, qui font des dizaines de morts. Donc on est dans une période très violente. Et c'est vrai que l'assassinat de Malcolm X, je ne dirais pas qu'il est noyé, mais il s'inscrit malheureusement dans une période où il y a l'Amérique est vraiment dans une crise terrible et où il y a beaucoup, beaucoup de morts. Et Martin Luther King a certainement observé cet assassinat avec énormément de tristesse et peut-être malheureusement pas de surprise. Déjà au moment de l'assassinat de Kennedy en novembre 63, King avait dit « Ce pays est malade, c'est comme ça que je finirai moi aussi ». Et je pense que l'assassinat de Malcolm X l'a conforté dans l'idée qu'il n'échapperait pas à ce destin-là et malheureusement ça s'est confirmé. Alors quels sont les héritages maintenant de Malcolm X? Aujourd'hui, 50 ans après son assassinat, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, Nicole Bacharan? Le fait que le président actuel s'appelle Barack Hussein Obama, qu'il est à moitié noir, ou le fait que les émeutes continuent et vous allez me parler de Ferguson plutôt que de la Maison Blanche? Alors évidemment, on est dans la spéculation, mais je me demande si on ne pourrait pas défendre l'idée que le véritable héritier de Malcolm X, c'est quand même Barack Obama. Alors, il ne dirait pas ça, hein, si on lui posait la question. Mais vous sous-entendez que si Malcolm X avait eu la possibilité de continuer son combat politique, et comme on voit que son combat politique s'éloignait du radicalisme de sa jeunesse pour arriver à quelque chose de plus pragmatique, de plus progressiste, de plus, j'allais dire, obamanien. Oui, et puis peut-être que je suis influencée par la similarité de leur physique. Alors ça vous paraîtra certainement très superficiel, mais ces deux garçons très grands, très minces, très élégants, comme ça... Peut-être que c'est ça qui me fait dire une chose aussi peu orthodoxe sur le plan politique ou historique. Et en même temps, avec cette évolution très forte de Malcolm X, comme vous le rappeliez à la fin de sa vie, vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus politique au fond, que simplement une révolte, peut-être que 50 ans après, s'il avait vécu, il se reconnaîtrait dans ce premier président noir. Et comment il aurait réagi aux événements de Ferguson ? Entre autres, Là, on peut dire que Barack Obama a pris le temps d'y réagir fortement. Il a fini par le faire. Je pense que on sait assez bien qui est Barack Obama sur toutes ces questions-là. C'est pas que on puisse le soupçonner d'y être réellement indifférent. C'est bien davantage qu'il est dans une responsabilité politique qui le contraint de bien des manières, et notamment à ne pas désavouer la police, à ne pas apparaître que le président des Noirs. Et donc il a confié cette affaire de Ferguson, c'est-à-dire le meurtre d'un jeune noir de 18 ans, Michael Brown, par un agent de police qui a dit qu'il s'était senti menacé. Donc cette affaire-là, Barack Obama l'a confiée à son ministre de la Justice, Eric Holder, qui a mené ça avec énormément, je dirais, à la fois d'efficacité et de passion. Eric Holder, d'ailleurs, est noir, lui aussi, c'est un noir américain. Et il est très passionné sur la question des droits civiques. Cette affaire de Ferguson, elle a abouti à deux conclusions. L'une conclusion légale, au tribunal, où il a été conclu que, en gros, on ne peut pas prouver que l'officier de police a agi par malveillance. Mais par contre, il y a un deuxième dossier Ferguson, qui est l'enquête lancée par le ministère de la Justice, par Eric Holder, sur le comportement général de la police de Ferguson. Et là, c'est vraiment... C'est comment dire ? C'est un acte d'accusation. Ça veut dire que les choses n'ont pas bougé ou très peu évolué depuis Malcolm X ? Je vous avoue que quand j'ai vu ce rapport, je n'ai pas été étonnée que les pratiques qu'ils mettent en avant existent. Mais j'ai été étonnée qu'elles existent avec autant d'ampleur dans une ville comme Ferguson encore aujourd'hui. Donc, à quoi ont servi les combats de Martin Luther King et de Malcolm X ? Barack Obama le dirait mieux que moi, il l'a dit beaucoup mieux, il continuera à le dire. Le monde de 1965, quand Malcolm X a été assassiné, et l'Amérique de 2015, ce sont deux mondes presque impossibles à comparer, à reconnaître. En 65, les Noirs représentaient à peine 10% de la classe moyenne. Aujourd'hui, ils sont deux tiers. Les villes étaient ségrégées. Elles ne le sont plus, en tout cas légalement, même si les quartiers ne sont pas bien intégrés. Le racisme est devenu inacceptable. Avant, c'était la loi, le racisme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est combattu dans les écoles, dans les tribunaux. Ça n'est plus possible. Vous avez un président noir, une chose qu'on n'aurait jamais pu espérer il y a même 10 ou 20 ans. Donc l'Amérique d'aujourd'hui n'est plus celle de Malcolm X, n'est plus celle de Martin Luther King, et néanmoins, la route est loin d'être terminée. Le racisme, ça ne s'élimine pas. Il n'y a pas de société sans racisme. Et en plus de ça, il n'y a pas d'histoire qui ne laisse pas des traces, qui ne laisse pas des séquelles. Je pense qu'aussi longtemps que les États-Unis existeront, il y aura des éléments qui auront un rapport avec la ségrégation, qui auront un rapport avec l'esclavage. Et le comportement de la police de Ferguson, c'est-à-dire de contrôler les Noirs beaucoup plus, de les traiter beaucoup moins bien ou bien plus mal, de leur infliger des amendes ou des peines de prison beaucoup plus fréquemment qu'aux Blancs, c'est quelque chose qui n'a pas disparu. Et puis, que devient Malcolm X dans l'Amérique d'aujourd'hui ? On sait que le film qu'a réalisé Spike Lee sur la vie de Malcolm X a beaucoup marqué et aussi bien aux États-Unis que dans le monde entier. On voit, par exemple, ici en France, pour revenir localement sur comment on perçoit Malcolm X, qui a eu un effet d'identification. Et aujourd'hui, quand on parle de jeunes de banlieue, noirs, la référence à Malcolm X est au moins aussi fréquente que celle un autre film américain qui vante la violence, c'est-à-dire Scarface. On parle aussi de l'islamisation dans les prisons à la manière de Malcolm X. On parle aussi de convertis. On parle du combat qui doit passer par des formes radicales et aussi par l'islam. Comment vous voyez tout ça, Nicole Bacharan? Est-ce que pour vous, c'est un des héritages empoisonnés de Malcolm X? Je pense qu'il y a un héritage qui est pas empoisonné, qui est le fait que Malcolm X est une icône. C'est une icône avec tout ce que ça comporte de simplification. C'est un personnage dont vous avez le visage sur des t-shirts, vous avez peut-être deux ou trois slogans qui sont supposés l'évoquer. Il a tout pour faire une icône. Il était jeune, il était beau, il était révolutionnaire, il était provocateur et il est mort tragiquement. Donc une histoire américaine. Voilà, et c'est une histoire même romanesque hein, au sens le plus international du terme. Maintenant, c'est vrai que je pense que quand on est un jeune garçon révolté, c'est plus attirant de s'identifier à Malcolm X plutôt qu'à Martin Luther King. Qu'à Martin Luther King, qui est un personnage qui lui aussi est mort jeune et tragiquement, mais qui avait quelque chose de raisonnable au fond. Il a fait la révolution réellement beaucoup plus que Malcolm X dans les faits. Il a obtenu beaucoup plus, il a changé son pays beaucoup plus que Malcolm X ne l'a fait. Peut-être l'aurait-il fait bien davantage, mais enfin, au moment de sa mort en tout cas. Mais il y a Martin Luther King, c'est une figure paternelle un peu, alors que Malcolm X, c'est un jeune révolté. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'on s'identifie davantage. Maintenant, le passage par la délinquance, puis la prison, la conversion et le militantisme politique à la sortie. C'est vrai que quand on utilise ces mots, quand on fait cette description, ça peut ressembler à certains cas de figure qui nous préoccupent grandement aujourd'hui. Ouais. Mais je pense que la radicalisation qu'a pu vivre Malcolm X dans les années 50 dans les prisons américaines mais n'avait rien à voir avec celle que l'on peut malheureusement expérimenter aujourd'hui et où certains délinquants, après la case prison, deviennent simplement des assassins. Merci beaucoup, Nicole Bacharan, d'avoir été avec nous cette semaine pour nous raconter Malcolm X, sa vie, son combat, ses héritages. Maintenant, vous pouvez retrouver l'intégralité de la série Malcolm X au nom d'Allah, de l'Amérique et des droits civiques à la page de l'émission, ainsi que la bibliographie de Nicole Bacharan. Je rappelle juste que vous êtes l'auteur des Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche aux éditions Perrin, un livre qui date de 2010 mais qui est toujours disponible. Merci beaucoup. Merci à vous. I'm the man that you think you are. And if it doesn't take legislation to make you a man and your rights recognized, don't even talk that legislative talk to me. No. If we're both human beings, we'll both do the same thing. And if you want to know what I'll do, figure out what you would do. I'll do the same thing. Only more of it. Everybody seems to be preaching revolution. Yeah! people away from oppression. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Arnaud Floch. Bonjour. Vous continuez votre dessin puisque vous avez commencé à exécuter votre autoportrait qu'on va retrouver à la page de l'émission Notre jour est possible, disponible sur franceculture.fr. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de la bande dessinée Emmett Till, Les derniers jours d'une courte vie, aux éditions Sarbacane. On reste donc dans le thème de notre série. Parce que Emmett, lui, Bobo Till, né le 25 juillet 1941 à Chicago, a été assassiné un 28 août 1955, alors qu'il était en vacances chez son grand-oncle dans la région du Delta du Mississippi. Faut-il rappeler que ce meurtre est un meurtre raciste et que il s'agit d'un adolescent noir. Et ce meurtre a beaucoup compté pour la création du mouvement afro-américain des droits civiques. Il n'empêche qu'on ne connaît pas très bien cette figure de lui, Bobo Till. Oui, bizarrement, c'est une figure qui a été un petit peu occultée, hasard ou pas hasard, je ne sais pas, mais sa mort est intervenue un mois avant l'incident symbolique de Rosa Parks, qui, elle, avait refusé de céder sa place dans un bus. Et il semble que Rosa Parks ait osé commettre cet acte en faisant référence à Emmett Till également, en y pensant, de toute manière, c'est ce qu'elle a déclaré. Et pourtant, le meurtre d'Emmett Till, lui, est passé inaperçu, pour une raison ignorée, a priori. Sinon, peut-être qu'il était trop atroce, peut-être que les assassins avaient été trop loin dans l'ignominie, et peut-être aussi que ça gênait l'Amérique. Et on rappelle le crime, entre guillemets, de ce jeune adolescent noir, c'est qu'il est allé faire ses courses dans une épicerie tenue par des Blancs et réservée aux Blancs. Oui, voilà, l'épicerie Bryant était une épicerie réservée aux Blancs, qui malgré tout ne se gênait pas quelquefois pour vendre de la marchandise à des métayers noirs, qui avaient la capacité de payer. Donc, ils étaient encore pires qu'on pouvait penser, non seulement racistes, mais vénaux. Mais ceci dit, cette épicerie était, oui, réservée aux Blancs. Donc un enfant noir n'avait rien à y faire. Et lui, par bravade, il y est rentré, je pense, inconscient, venant de Chicago, inconscient des conséquences de son acte. Quoi. Voilà, donc, et surtout inconscient du racisme qui régnait encore dans cette région du sud des États-Unis à cette époque-là, c'est-à-dire en août 1955. Arnaud Floch, pourquoi avoir choisi cette histoire pour l'illustrer, pour l'adapter en bande dessinée? Et comment vous-même êtes-vous tombé sur cette histoire? Comment je suis tombé dessus? Ça remonte à très loin. Je suis tombé dessus en lisant plusieurs livres sur plusieurs années. Le tout premier, ça a été Les Racines du Ciel de Romain Gary, qui quitte le sujet même de son livre à la fin, et il en était d'ailleurs à la fin de l'écriture des Racines du Ciel, et qui le quitte pour se livrer à un pamphlet de colère sur Emmett Till, mais sans le nommer. Plusieurs années après, j'ai lu les livres de Richard Powers, Le temps où nous chantions, puis le livre de Toni Morrison aussi, Les chants de Salomon, puis Elliot Perlman avec The Street Sweeper. Et donc ce personnage m'a petit à petit obsédé au point d'occuper tout l'espace que je réservais à une création. Et seulement, je ne connaissais pas encore l'angle d'attaque, parce que je ne voulais pas, moi non plus, me livrer au simple rapport d'un lynchage, ce qui ne m'intéressait pas. Je voulais aller au-delà pour faire comme un travail de mémoire. Pourquoi avoir choisi un autre personnage? Pourquoi être parti d'aujourd'hui? Parce que ce récit, cette histoire, est racontée par un vieux bluesman qui était un des camarades de jeu d'Emmett Till, qui raconte cette histoire à un journaliste blanc qui était a priori plutôt un journaliste de musique, hein, c'est-à-dire c'était un critique musical plutôt qu'un journaliste politique. Pourquoi avoir choisi plutôt cet angle ? Le blues m'intéressait parce que je pense qu'il occupe l'espace du sud des États-Unis, du reste aussi d'ailleurs, mais le sud, il est très présent dans le sud, et donc ce vecteur-là m'intéressait par passion aussi pour le blues. Et au-delà, ce dialogue entre un journaliste musical qui a quelque chose à voir bien sûr avec Emmett Till et ou avec ses assassins. Et le vieux bluesman, c'était pour moi l'angle idéal pour quitter un petit peu l'horreur du lynchage et montrer que 60 ans après, c'est ce qui compte, c'est le travail de la mémoire et le traumatisme vécu de part et d'autre par ce vieux bluesman qui a connu Emmett Till, enfant, et ce journaliste qui lui aussi a quelque chose à voir avec cette histoire-là d'Emmett Till. Donc cette distanciation-là de 60 années m'intéressait un peu comme, bien modestement, bien humblement, mais à la manière un petit peu de Claude Lanzmann qui regarde le génocide avec la distance du temps, et sans pour autant montrer l'horreur des images d'ailleurs, mais en montrant des champs, il en montre beaucoup plus, quoi. Alors vous êtes posé aussi cette question, fallait-il ou non montrer le lynchage, le meurtre de ce jeune adolescent noir? Arnaud Flock, vous êtes l'auteur de cette bande dessinée sur les derniers jours de la courte vie d'Emmett Till, mais on peut parler aussi de Christophe Bouchard pour la mise en couleur de vos dessins, parce qu'elles sont très importantes dans votre récit. C'est elle qui marque les ambiances de cette époque-là, mais aussi les atmosphères des scènes les plus dures. Et bien sûr, vous avez décidé de montrer ce crime. Oui, j'ai décidé de le montrer. Alors, pas obligatoirement d'en faire des images justement atroces, mais de l'avoir comme leitmotiv tout le long de l'album, puisqu'il y revient quand même 4-5 fois, et pour avoir un leitmotiv comme une obsession qui revient, quelque chose de lancinant qui creuse, une plaie qui guérit pas. Et en effet, comme vous dites, Christophe Bouchard a fait un travail de couleur. Est-ce qu'on peut parler d'une mise en scène? Est-ce que vous avez travaillé avec lui la mise en scène de ces couleurs? Ce sont des couleurs western, un peu à la Blueberry de Jean Giraud. Est-ce que c'était suite à des discussions, suite à quelques dessins de... vous avez un trait semi-réaliste et à un certain moment, il fallait montrer le crime abject. Est-ce que c'est... Après avoir posé tout ce genre de questions, comment montrer le crime, comment revenir au présent et faire des allers-retours entre l'époque d'Emmett Till et aujourd'hui, comment mettre tout ça avec des couleurs en scène? C'est une mise en scène chromatique que Christophe a faite. Je lui ai donné en effet quelques petits guides et en l'occurrence les images, les couleurs de Blueberry qui m'intéressaient beaucoup, du point de vue de l'ambiance, du point de vue de leur apparente simplicité aussi. Et je lui ai aussi donné des références de films qui me semblaient assez proches de cet univers-là, un film comme Dans la brume électrique de Tavernier qui est très proche justement du monde des bayous, là. Mais à part ces indications-là et l'envie que j'avais d'avoir cette scène obsédante qui revienne régulièrement dans le livre, je l'ai laissé totalement libre et j'ai bien fait, je pense, parce que j'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un qui avait tout intérêt à être libre parce qu'il donnait le meilleur de lui-même et il mettait en valeur mon dessin totalement. Et à la fin de ce récit en bande dessinée de la vie de ce jeune adolescent assassiné à l'âge de 14 ans, Emmett Till, il y a un dossier de 5 pages dirigé par Chantal Lévy où il y a des photos du jeune Emmett Till, son histoire, des repères chronologiques, une bibliographie. D'ailleurs, c'est là où on se rend compte que vous avez beaucoup travaillé aussi sur les travaux de notre tête chercheuse de la semaine, Nicole Bacharan. Mais toutes ces informations, plus cette histoire, résonnent d'une manière assez terrible parce que ça nous renvoie un peu à l'actualité, hein, l'actualité d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'affaire Trayvon Martin en 2012, ou encore celle de Michael Brown, dite l'affaire de Ferguson en 2014, ou plus récemment, l'affaire Freddie Gray à Baltimore. Tout à fait. Il fallait pour ça des garde-fous, pour ne pas justement quitter malgré tout le réel. Et toutes ces zones d'incertitude qui font que l'histoire d'Emmett Till était compliquée, puisqu'il y a... On a peu de documentation, mais on a les rapports du FBI, on a le témoignage direct du cousin d'Emmett Till, qui vont pas toujours dans le même sens, et qui tendent à dire pour une part qu'il n'était pas seul dans l'épicerie, alors qu'il l'était peut-être. Donc tout ça, c'était des choses bien que floues, il fallait qu'elles soient précises dans la narration. Et ben, le travail de recherche, de documentation, je l'ai mené, comme vous dites, avec Chantal Lévy, qui est très férue en la matière, qui est enseignante, qui est professeure agrégée d'anglais et qui m'a beaucoup aidé. Les derniers jours de la courte vie d'Emmett Till, d'Arnaud Floch, c'est édité par Sarbacane. Merci Arnaud Floch. Merci. On peut réécouter votre interview, découvrir votre autoportrait que vous avez bientôt fini là. Bientôt fini, voilà, oui. Vous attaquez avec quoi le dessin, généralement, les personnages? Par quoi? Par le front, les yeux? En général par les yeux, oui, un contour global d'un visage, mais très vite par les yeux, puisque ça me semble être le nœud de l'affaire, si on peut dire, les yeux, quoi, tout passe par là. Donc. Alors on peut découvrir ce dessin réalisé pour l'émission et podcaster l'ensemble des épisodes de la série avec Nicole Bacharan, Malcolm X, Onandala de l'Amérique et des droits civiques, à la page de l'émission Un autre jour est possible, disponible sur franceculture.fr. Bonne journée à vous, bon week-end, on se retrouve lundi pour évoquer avec Benjamin Stora et Toby Nathan les derniers juifs arabes. Bonne matinée sur France Culture. I tell you.